Et dire qu'il faudra quitter ce berceau de lumière, ce suspens, ce maintenant de toujours, retrouvé chaque soir, à l'heure où le soleil penche, là-bas, vers l'ouest, répandant en ondes généreuses ses dernières vagues sur le noyer amical, ouvert, paisiblement ouvert à l'est du jardin, tandis que les vrilles de la glycine se courbent un peu plus, comme pour boire la fraîcheur qui monte de la terre. Doux royaume de la terre, disais-tu à l'instant du disparaître. Doux royaume, tracé par l'aile du martinet haut dans le ciel, bordé par un champ de merle ivre de juin. Doux royaume, lacéré par le meurtre. Doux royaume éclaboussé de sang, à l'instant même où le nectar qui descend dans ma gorge calme la plaie toujours ouverte de la lucidité, la plaie de la conscience, de l'impossible oubli, la plaie du monde égorgé depuis le premier jour, le premier fils, depuis la multiplication débridée des quins dissimulés en chaque homme derrière d'invisibles frondes abattant sans répit les martinets du ciel, rompant sans répit les limites des jardins clos, décimant sans répit les doux royaumes de la terre avant même l'heure de l'adieu. Il faut choisir, arpenter le pays des étangs ou la page. Écrire exige une privation. Il faut se tenir à la table, sédentaire, enracinée, indifférente aux appels archaïques, et même ne pas trop lever le nez face au vent qui courbe les herbes jusqu'à la lisière qu'on sait très fraîche avec son ruisseau dissimulé. Oui, accepter de se river à l'ici miniature, l'ici fait de trois planches de bois mal assemblées, vieille table qui branle à chaque syllabe, mais assigne une place à ce qui naît dans le mouvement de la main. Main aveugle, ne sachant pas ce qui la conduit, ni où mène ce petit jeu irrépressible, main appartenant à celle qui aurait aimé marcher en direction des étangs, qui était venue dans ce pays pour ça, et qui, croyant avoir choisi, n'a fait que se soumettre. Non seulement main aveugle, mais pire, vouloir aveugle, vouloir envahissant, loger sous la langue, peut-être, ou dans la gorge, ou bien encore lover comme un serpent, à l'endroit précis du plexus, anneau replié sous la chaleur de juillet, si bien que le corps tout entier de celle qui écrit n'est qu'un repère de force étrangère à elle-même. L'arpentée, c'est elle, non les étangs du désir, non la page noircie en vain, toujours en vain. L'arpentée est sans repos, sans possession. Seule la table de trois planches mal équarrie semble lui appartenir. Travail de deuil. Ne veut pas le faire, ce boulot. Veut laisser les plaies ouvertes. Veut être traversé par d'éternelles douleurs intimes. Veut les nourrir, leur donner la béquée, pour que jamais, jamais ne meurent les visages aimés. Un jamais de pacotille, on le sait, à la mesure du dérisoire. Un jamais naïf de fillette. Une promesse d'ivrogne, une volonté d'irréalité. Une crispation d'utopie, une insoumission. Non, pas de travail de deuil, pas d'accommodement, pas de douceur, pas de résignation, pas de sagesse, mais le mal nourricier, la blessure fertile, la blessure rivière vive travaillant au secret du corps, irriguant la chair, jaillissant en rébellion, en étincelle de tristesse lumineuse, contre l'oubli. Et pourtant, mémoire qui tue, mémoire qui étouffe à petit feu, excès de déchets organiques, pourriture lente formant vase au fond du cœur et l'on suffoque et l'on s'égare à vouloir trouver le chemin inédit, le sans trace, le nom balisé par les ancêtres, par la forge du temps, par la puissance de l'histoire ou la pression des événements, même futiles, même anodins, même attendus. Sortir, out sortir, exit, sortir, trouver la passe, trouver l'issue, trouver la fente, la faille, la fêlure, la fenêtre ou la face, ou la farce, mais sortir. sortir du pré, du prévu, du préparé, du précité, du préposé, du prédit, quitter les prédispositions, abandonner tout centre de gravité, rejoindre le nu d'un intervalle, la vacuité d'un interstice, percer la poche du circonscrit. Au bord de quelque chose, toujours, dans l'insécurité native, au bord d'une compréhension ou d'une décision définitive, au bord d'une imminence, un franchissement de col à partir duquel tout pourrait s'inverser, la vision s'agrandir, le souffle s'apaiser, ne plus avoir à haleter pour atteindre le sommet, jouir du paysage en amorçant la descente, laisser aller un pied après l'autre sur le sentier accueillant, celui qu'on sait rejoindre le Havre, là-bas, au creux de la vallée, ardemment pressenti depuis l'autre versant. Mais le col n'est jamais là où l'on croit. Est-ce le col de la mort, miroir du tout premier franchi, écho du col dilaté des mers, nous expulsant hors de l'ombre chaude? Légèreté, légèreté, je t'appelle. Je te donne en secret un nom d'oiseau. Je te nourrirai dans ma paume avec le meilleur de moi-même. J'abandonnerai mes lourds vêtements. Je te laisserai rompre du bec les attaches usées mais tenaces, les dépouilles mortes qui encombrent le champ du ciel. J'aurai pour toi le bleu soyeux des étangs du désir. J'attiserai le feu qui consume. Je brûlerai les oripeaux pendus à mon cœur, viande flasque pourvoyeuse de pourriture, sang sale virant au noir, attirant mouches et vers vorace. Légèreté, légèreté, je chanterai pour toi un air soufi, jamais entendu. J'inventerai dans ma gorge une coulée de miel, née des roseaux. Un souffle sûr, porteur de messages clairs, un souffle vaste autant que ferme sur lequel nous embarquerons. Et tu m'enseigneras l'art et le savoir ailé, le pur ici sans poids, la transparence cachée sous tes paupières, au centre de ton iris, au centre de ton iris de mésange, de rouge-gorge, de libellule, de grenouille, lézard, couleuvre, veron, cétoine, abeille, grillon, vanesse, chat, lapin, chien folâtre, au centre de ton iris de nouveau-né, un instant surpris dans l'enchantement dérobé du monde.